guérir mon chagrin. Je ne peux que me plier à ce destin. Trop court, trop court, trop court. Sur ton chemin, emporte mes prières et mon chagrin. Je ne peux que me plier à ce destin. Trop court, trop court, trop court. C'est ton grand frère d'eau. Qu'est-ce? Écoute les mots. Les peines, la haine envahit mon âme. Les larmes coulent même refusées de mon monde. L'onde de choc est grande. Jusque dans le bled, mes pleurs se ressentent. C'est pas pour le fun que je chante. Peu à peu, la pression me gagne. Et j'écoute tes mots venant de la bouche de la sœur. Qu'est-ce d'eau assure? T'inquiète pas, je serai là. Posté comme un bonhomme. Pour ta mémoire, toujours au nom. Suive tes projets gros énormes. Comme un gars en forme. FK c'est pour toi. Que tes gars pleurent.